Alô, faz isso, ó. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je veux porter tous tes péchés sur moi, sur moi. Oh, oh, oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, oh, oh, je ne suis plus condamné. Oh, oh, oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Italie dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. La soeur Alida, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bonsoir et bienvenue. Tu sais que Jésus nous a racheté, n'est-ce pas? C'est amen. Mm-hmm. J'espère que vous étiez en train de partager avec nous ces merveilles, ces bonnes cantiques, n'est-ce pas? Bien sûr, frère Junior. Mm-hmm. Bonsoir, comment vous allez? Je vais toujours très bien, comme tu me vois là. Et vous là-bas, en Italie? Ça va, frère Junior. Mais je te vois pas. Toi, tu me vois, n'est-ce pas? Oui, je suis en train de systémer un peu. Mmh. Faut systémer. Alors, comment vous allez de ce côté-là? La chaleur ne vous a pas atteint. La chaleur qui a parcouru l'Europe ne vous a pas touché aussi? Il fait trop chaud. Pourquoi ces changements brusques de climat comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que les scientifiques disent? Bon. Et c'est quoi, c'est le réchauffement? Ah bon, Afrique, non. Dans le chaleur d'Afrique. Donc, comme les Africains sont venus là-bas. Dans le chaleur d'Afrique. Ah.

Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen.